Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Le magazine Point de vue a 70 ans et pour fêter l'occasion, les éditions du Chêne publient un beau livre assez imposant, Point de vue. Trésor d'archives sous les plumes de Nathalie Loureau et Raphaël Morata. Franck Ferrand l'a lu avec un plaisir évident. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. C'est là qu'on voit que vous me connaissez bien. En effet, je me suis régalé à la lecture de ce livre qui est, vous savez, ça fait partie de ces livres objets. Vous avez à l'intérieur toutes sortes de soufflets avec et d'enveloppes avec des facsimilés, avec des cartes, etc. Enfin, toutes sortes de petites surprises, des cadeaux en quelque sorte, des cadeaux d'anniversaire. Pour souffler les 70 bougies du magazine, j'ai demandé à une jeune femme qui ne pourrait même pas en compter la moitié, si c'était son propre gâteau d'anniversaire, d'être avec nous. Adélaïde de Clermont-Tonnerre est directrice de la rédaction de Point de vue. Quant à Philippe Séguy, grand reporter, vous le connaissez, c'est un habitué de cette émission. Et puis tout à l'heure, à la fin de l'émission, justement, vous répondrez à la question de David sur l'origine de l'expression « monter sur ses grands chevaux ». Je ne me sens même pas visé. Pour le moment, bienvenue dans un monde élégant, coloré, brillant, glamour. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. À mesure que je feuilletais ce somptueux album anniversaire de Point de vue, je me suis demandé si une figure se détachait vraiment de ce peuple doré sur tranche, de ces têtes couronnées qui, au fil de mariages étonnants, d'obsèques solennelles, nous sont devenues familières. À l'évidence, deux effigies m'ont paru surnagées. Deux figures de grandes dames, dont l'une anglaise continue de régner à l'heure où je vous parle, je n'ai même pas besoin de la nommer, et dont l'autre, française, n'est plus depuis 11 ans. Cette princesse disparue en 2003 à l'âge de 92 ans, c'est Isabelle d'Orléans-Bragance que vous connaissez ou dont vous avez entendu parler sous le nom de comtesse de Paris. Mais commençons, à tout seigneur tout honneur, par la reine d'Angleterre. J'ai eu plusieurs fois l'occasion de parler à ce micro de cette figure historique, de ce monarque à l'ancienne, survivant, j'allais dire égaré dans notre monde tellement prosaïque. Alors il se trouve que depuis alors, j'ai eu la chance de la rencontrer, de lui être présenté, d'échanger même quelques phrases avec elle, et loin de me la rendre plus accessible, ces quelques minutes, je vous l'avoue, ont eu pour effet tout au contraire de renforcer encore, à mes yeux, le prestige déjà immense de cette souveraine, dont l'effigie figure sur tant de pièces et de billets de banque à travers le monde. Le regard bleu d'acier, le sourire lumineux, la prestance inouïe, disons-le, le charisme d'Elisabeth II sont tout bonnement hors de comparaison. Et si la dame s'est un petit peu durcie naturellement avec le temps, il n'est vraiment pas difficile, sous ses traits tellement préservés, de revoir la toute jeune reine de 1952. Remettez-vous dans l'ambiance de cette époque. On est début de février 1952. Il va y avoir bientôt 63 ans, si je ne m'abuse. La fille aînée du roi George VI entame avec son mari Philippe un voyage de représentation à travers le Commonwealth, périple qui, en l'occurrence, les a menés au Kenya, et ils logent dans un endroit devenu mythique depuis, évidemment, à Sagana Lodge, on est près de Nyeri, l'espèce de, vous savez, de lodge dans lequel ils sont hébergés, se trouve carrément niché, perché dans un arbre. C'est très spectaculaire et c'est tout à fait romantique. Ils sont là, les deux, le roi, enfin la princesse Elisabeth et son mari, à observer les animaux dans le parc national local. Et voilà que leur tranquillité est troublée par l'annonce de la mort du roi. Dans la nuit du 5 au 6 février, George VI a fait une attaque après une longue journée de chasse au lièvre. Il était très malade, il avait été opéré à deux reprises déjà des poumons. En attendant, le 6 février 1952, la princesse Elisabeth devient reine d'Angleterre. Alors, à Londres, les héros, dans leurs uniformes antiques, proclament Elisabeth the Second Regina. Et à son retour, elle s'adresse à son peuple. Elle va faire un court communiqué à la radio. « J'ai le cœur trop gros pour vous dire autre chose que ceci. Je travaillerai sans relâche comme mon père avant moi. » Le moins qu'on puisse dire est qu'elle a tenu parole. Le couronnement d'Élisabeth II n'interviendra que 16 mois plus tard, le 2 juin 1953. Elle a 27 ans alors. C'est un événement qui a été tellement célébré, tellement montré. Et n'oubliez pas que c'est la première fois qu'on avait une diffusion télévisée en Eurovision. On a complètement restauré la ville de Londres, en tout cas sur le passage du cortège royal. L'abbaye de Westminster a été refaite à neuf. Il y a quand même eu 38 couronnements dans cette abbaye, il faut le dire. Et quant à la reine, elle porte, rappelez-vous, cette robe immaculée, brodée des emblèmes des 11 pays du Commonwealth, avec cette immense traîne de velours cramoisi bordée d'hermine. On a fait venir des fleurs par avion cargo depuis l'Australie. Il faut évidemment mettre en avant ce Commonwealth, sous le signe duquel s'engage le nouveau règne. 7700 invités prestigieux représentant 72 nations. Évidemment, le Premier ministre Winston Churchill, l'ambassadeur d'Union soviétique qui est là pour assister au couronnement d'une reine dans l'une des dernières monarchies sacrales du monde. Ça est un peu étonnant. C'est cette représentation qui va faire plus de 100 millions de téléspectateurs à travers le monde. À l'époque, c'est considérable. Rappelez-vous, le carrosse, on le connaît par cœur, ce Golstead Coach qui date de 1762 avec ses ors, ses anges, ses couronnes et ses têtes de lion. Et puis, je vous parle des 10 millions de téléspectateurs, pardon, 100 millions de téléspectateurs, mais il y a dans les rues même de la capitale britannique, entre Westminster et Buckingham, quelques 3 millions de personnes, dont 30 000 ont dormi sur place. Un peuple en liesse, bien entendu, dans un pays qui est encore meurtri. Au moment du mariage de la princesse Elisabeth, en 1947, le pays était encore en plein rationnement, dans une crise économique et, disons-le, alimentaire très grande. Ce n'est plus tout à fait le cas en 1953. C'est au contraire, disons-le, le début de l'euphorie. Alors nous avons tous à l'esprit les images inoubliables de l'entrée de la reine, la toute nouvelle, la toute jeune reine, suivie de ses filles d'honneur qui portent la traîne, bien entendu, dans l'abbaye. Elle prend place sur le trône d'État. C'est un instant solennel. On revêt la reine de la robe impériale, de la ceinture d'or. Et puis l'archevêque de Canterbury lui remet l'épée de l'État, le globe, le sceptre à la croix, le sceptre à la colombe, la couronne de Saint-Édouard, bien entendu, qui pèse 3,5 kg. J'ai presque l'impression à cet instant même de me prendre pour Léon Zitrone. Évidemment, ce sont des images que les Anglais savent mieux que quiconque nous offrir. Ils ont ce sens de la tradition, ils ont ce goût du panache et ils l'ont pour le bonheur de la planète entière. De Pomp and Circumstance, composé par Edward Elgar. Dans un court instant sur Europe 1, nous revenons avec vous, Franck Ferrand, et vos invités à l'avènement de la reine Elisabeth. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, au couronnement de la reine Elisabeth. Alors, ce couronnement, je vais bien sûr continuer mon récit tout à l'heure, je vais vous parler notamment de la comtesse de Paris, mais pour le moment, je ne résiste pas au plaisir de demander à Adélaïde de Clermont-Tonnerre quelle a été l'importance de ce couronnement de la reine dans l'histoire d'un magazine qui était tout jeune, qui avait 4 ans et demi à l'époque, c'était 5 ans, 50. 5 ans, absolument. C'était absolument crucial, c'est vrai, et c'est un grand tournant du magazine parce que c'est à ce moment-là, effectivement, que les monarchies vont prendre toute leur place dans ce magazine qui a été conçu comme un life à la française, où les vedettes, où les chefs d'État, où les artistes avaient autant de place finalement que les princes et les princesses. Ce qui est amusant, c'est que lorsqu'on feuillette ce très bel album, on se rend compte qu'au début, c'était un magazine de photographie, avec bien entendu du reportage, mais on n'était pas attaché aux têtes couronnées à point de vue au tout début. Ça a mis un certain temps d'ailleurs. C'est vraiment même, c'est le début avec le couronnement de la reine Elisabeth qui a ce retentissement absolument incroyable, retentissement mondial, vous l'avez dit. D'ailleurs, moi j'aime beaucoup la révolte de Churchill qui ne voulait pas que ce soit retransmis à la télévision, qui disait mais c'était hors de question que la BBC ait une meilleure vue que moi. Finalement, la reine Elisabeth a réussi à le convaincre. Mais c'est vrai que pour nous, dans notre magazine, c'est un moment fondateur. Elle devient, vous l'avez dit, c'est la figure saillante, c'est celle qu'on accompagne depuis le début de son histoire jusqu'à maintenant. Et puis il y a des choses assez jolies sur cette affaire de couronnement, parce qu'on était déjà un magazine d'actualité avec des bouclages, donc des urgences. Et nous n'avons pas pu, ce fameux 4 juin 1953, avoir à temps les photos. Et donc, le rédacteur en chef, qui était un rédacteur en chef assez formidable, on en reparlera peut-être plus tard, Albert Plessis, a l'idée merveilleuse de demander à un illustrateur, Albert Brenet, de dessiner l'intégralité c'est de ce incroyable. Couronnement. Incroyable. Alors, je l'ai là, le facsimilé de ce numéro, parce que je ne sais pas si ça s'est entendu, mais j'ai ouvert la poche de papier cristal, fermée par une très jolie carte à couronne fermée. Enfin, on est évidemment dans tout le glamour de point de vue. Et dans ce petit sachet figure le facsimilé du numéro de l'époque, dont on constate en effet que les trois quarts des illustrations sont des dessins en couleur, mais ce ne sont pas des photos. Absolument. C'est quand même... Et des dessins assez exceptionnels, parce que donc ce dessinateur, Albert Brenet, avait finalement un historique pour l'illustration. Il avait déjà illustré le couronnement de George VI, sa première visite en France, et c'était quand même un document assez merveilleux. Mais le rédacteur en chef, Albert Plessis, est quand même un peu gêné, donc il fera un deuxième numéro la semaine suivante, en choisissant parmi 10 000 photos, ce qui semblait énorme à l'époque. Maintenant, on en reçoit 20 000, 30 000 lors d'événements exceptionnels, les plus belles photos, et ça aussi, ça donne lieu à des numéros parfaitement historique. Et alors, à partir de là, la reine Elisabeth est devenue en quelque sorte une des héroïnes de point de vue, Philippe Séguy. On la trouve très régulièrement depuis plus de 60 ans. On la trouve d'autant plus régulièrement qu'il est évident que nos lecteurs l'apprécient infiniment. Toute cette famille, tous les Windsor sont aimés de nos lecteurs. À chaque fois que la reine est venue à Paris, à chaque fois qu'elle a fait un voyage officiel, à chaque fois qu'il y a un phénomène important dans leur famille, une naissance, un mariage, point de vue bien évidemment, et le premier à s'intéresser encore une fois à cette famille royale. Il y a eu les heures fastes et puis les heures moins fastes. Je pense à la célèbre année 1992 qui a été si dure. Ce que la reine appelle l'annus horribilis, où on voit le château de Windsor brûler, où on a les problèmes terribles qu'il y a entre Diana et Charles. On est dans les prémices de leur divorce et on a l'impression véritablement que la monarchie anglaise est en péril. Et c'est tout à l'honneur, bien évidemment, d'un personnage aussi étincelant que la reine d'Angleterre, de voir comment et avec quel talent elle a remonté la pente pour faire en sorte qu'aujourd'hui, plus de 82% des Britanniques sont favorables à leur souveraine. Oui, c'est étonnant. Alors, lorsqu'elle est venue pour les fêtes du 70e anniversaire de la libération, il y a quelques mois maintenant, vous avez... comme d'habitude, couvert l'événement très largement. On a tous à l'esprit, notamment cette robe absolument vert pomme qu'elle portait au moment des célébrations sur les plages de Normandie, hein, pour l'anniversaire du débarquement. Voilà, je cherchais les circonstances tout à fait exactes. Ça a été, on a presque l'impression que rien n'est perdu, qu'on est toujours quasiment comme au premier jour devant cette femme qui règne sur la presse mondiale. Je crois qu'après quelques numéros de point de vue, je pense qu'elle fait partie de la famille. Et que nos lecteurs, comme les Français d'une façon générale, s'intéressent à elle comme une sorte de grand-mère gâteau, de granny extraordinaire, avec ses couleurs extraordinaires dont vous parliez, acidulée. N'oublions pas quand même qu'au marché aux fleurs à Paris, on entendait, lorsque la reine était présente, « Vive la reine, vive la reine !» dans un pays laïque et républicain comme le nôtre. Oui. Elle dépasse, je dirais, tous les paradoxes. Un marché qui maintenant porte le nom de marché... Reine Elisabeth II. Eh oui. Alors, ça c'est la reine d'Angleterre. Nous allons parler maintenant de celle qui n'était peut-être pas tout à fait, mais aurait pu être la reine de France. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez réagir tout au long de l'émission. Nous envoyer vos messages, vos questions par mail sur europe1.fr, via Twitter également avec le hashtag ACDH, ou encore vous pouvez également réagir avec le Facebook, la page Facebook de l'émission. Dans un court instant sur Europe 1, nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à votre récit sur la comtesse de Paris. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la comtesse de Paris. Alors, encore une grande dame tout à fait extraordinaire. Alors elle, j'ai eu la chance de la connaître beaucoup mieux, de la suivre dans pas mal d'événements, etc. Elle était tout à fait inouïe, la comtesse de Paris. Je ne sais pas si nos auditeurs ont tous à l'esprit, d'abord, cette allure, ce port extraordinaire. Vous savez, quand cette femme entrait dans n'importe quel salon, où que ce fût, c'était immédiatement le silence. Alors, certes, les gens savaient qu'elle était l'épouse de l'héritier, enfin du prétendant au trône de France, mais en même temps, il y avait tout simplement le charisme personnel, là encore, cette capacité à éblouir en en faisant pourtant le moins possible. Parfois, elle se contentait d'être là, elle ne disait même rien. Alors, elle était née Isabelle d'Orléans-Bragance, elle était née en août 1911 au château 2. C'est que le château 2, ça se trouve là-haut, entre Dieppe et Abbeville. Hein. C'était l'ancienne résidence préférée de Louis-Philippe. Son père était Pedro de Alcantara, le prince de Grand-Para. Elle était donc directement apparentée à la famille impériale du Brésil. Et du reste, lorsqu'elle allait au Brésil, elle était chez elle. C'était assez étonnant, cette espèce de familiarité qu'elle avait avec ce pays, qu'elle avait avec bien des gens et bien des choses du reste. Et l'espèce de simplicité qu'elle mettait dans tout, mais attention, hein, quand je dis simplicité, tout est très relatif, une simplicité de bon ton et de bonne aloi, faisait que, évidemment, elle donnait beaucoup de cachet aux événements auxquels elle assistait. On la surnommait Bébelle, et d'ailleurs, dans toutes les familles royales, etc., elle reste d'une certaine manière Bébelle. Pour tous les autres, elle était Madame, c'était le titre quand on disait dans une conversation « Ah, Madame était là hier soir, etc. » Madame, ça voulait dire la comtesse de Paris. Elle avait décidé d'épouser son mari lorsqu'elle était encore très jeune. Elle avait 12 ans à ce moment-là. Là encore, c'est un peu un point commun avec la reine Élisabeth qui, elle, avait jeté son dévolu sur son mari à 13 ans et demi. C'est un vrai mariage d'amour et en même temps, ce sera, pendant très longtemps en tout cas, un bon mariage. L'union a lieu en 1931. Alors, qui était son mari? Ben, c'est le comte de Paris, pas le père de l'actuel comte de Paris, Henri de France, personnage assez étrange, assez magnétique, il faut bien le dire, plutôt introverti, fils du duc de Guise. Il avait 3 ans de plus que son épouse, il avait grandi au Maroc. Lui croit véritablement à la possibilité d'un retour à la monarchie en France, ce qui, semble-t-il, n'a jamais été le cas de sa femme. En tout cas, c'est ce qu'elle disait. Elle n'y avait jamais cru. Lui, il croit véritablement, et il est vrai qu'à un certain moment, au milieu des années 60, enfin au début des années 60, plus exactement au tournant de la décennie, le général de Gaulle a très probablement envisagé cette solution de façon tout à fait sérieuse. Le roi de Bulgarie disait de la comtesse de Paris qu'elle était la plus belle princesse d'Europe. C'est vrai qu'elle avait ce visage parfaitement ovale, ses pommettes hautes, ses yeux bleus, cette élégance dont je parlais et qu'ont dessiné, peint à l'envi tous les artistes du milieu du XXe siècle. Elle a eu 11 enfants, Isabelle, Henri, l'actuel héritier du titre, Hélène, François, Anne, Diane, les jumeaux Jacques et Michel, Claude, Chantal et Thibault. Il faut vous dire que pendant très longtemps, une loi votée par la Troisième République excluait du territoire national, chassait, on pourrait dire, du territoire national, tous les descendants de famille ayant régné, descendants directs, ayant régné sur la France. Ce qui éloignait la famille Napoléon et éloignait évidemment la famille de France, les Orléans. Et il a fallu attendre l'abrogation de cette loi d'exil en 1950 pour qu'il rentre en France. Et alors là, ça a été évidemment pour la presse, qu'on n'appelait pas encore people à l'époque, pour les photographes, pour l'opinion publique d'une manière générale, ça a été un événement incroyable. Celle qui, à l'époque, était rédactrice en chef de Point de vue, Françoise Lahaut, disait « 11 enfants, c'est du pain béni pour la presse. Chaque année ou presque, nous avions une naissance, un baptême, des fiançailles et surtout des mariages. » Ça a été effectivement une espèce de festival permanent. Et lorsque le couple princier, je peut presque dire royal, s'est installé au manoir du Cœur Volant, à Louveciennes, alors ce manoir est devenu en quelque sorte la plaque tournante de la mondanité parisienne et l'on voyait là inviter des gens aussi différents que Michel Debré, François Mitterrand, Edmond Michelet, le prince Juan Carlos qui n'était évidemment pas encore roi d'Espagne, le roi Siméon de Bulgarie que nous avons eu l'honneur de recevoir dans ce même studio il y a quelques semaines, des personnalités très différentes, beaucoup du personnel politique de cette 4e République qui a cru un temps à l'avènement du comte de Paris. Lui-même y a cru et il a été déçu. Il semblerait que sa femme, elle, n'ait pas vraiment eu d'illusion, encore une fois, sur ce sujet. Alors, elle a fait beaucoup de une de point de vue et nous allons voir ce que l'on disait dans point de vue de la comtesse de Paris au milieu des années 60, par exemple. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Les 70 ans du magazine Point de vue sont à l'honneur cet après-midi dans Cœur de l'Histoire. Et vous nous parlez de la comtesse de Paris, Franck Ferrand, avec vos invités, Adélaïde de Clermont-Tonnerre, directrice de la rédaction du magazine Point de vue, et Philippe Séguy, historien et journaliste, grand reporter à Point de vue. J'ai sous les yeux un cliché en noir et blanc de la fin des années 50, absolument extraordinaire, où l'on voit Isabelle, donc la comtesse de Paris au premier plan, en train de retirer ses gants. Elle est visiblement dans le vestibule d'une bonne maison où elle arrive pour dîner. Et il y a derrière, en tenue de soirée, le comte de Paris, son époux, qu'on voit quasiment dans l'ombre. On a l'impression qu'il y a là toute la mystique, toute la magie de cette famille de France dans une époque où on pensait qu'ils allaient redevenir le roi, la reine et les princes héritiers de France, Philippe Séguy. J'ai eu l'honneur et le plaisir d'interviewer la princesse à plusieurs reprises. Alors oui, je précise, puisque vous dites bien les choses, pour nos auditeurs qui sont moins au fait que vous, on disait madame pour l'appeler, son titre de courtoisie était comtesse de Paris, mais bien entendu elle était princesse. Et donc quand on en parle, on ne dit pas la comtesse, souvent, mais la princesse. La princesse. On disait soit j'ai vu madame ou madame se porte bien, soit j'ai rencontré la princesse. Et j'ai eu la chance et l'honneur, parce que c'était quelque part un honneur, de la rencontrer moins de 2 semaines avant son décès. Et les choses sont parfois étonnantes dans la vie. La princesse m'avait évoqué justement l'immortalité de l'âme et nous avions parlé aussi de revenants. Vous savez, vous évoquez justement la mémoire du comte de Paris. Monseigneur était un homme né sous le signe du cancer comme moi. Je me permets simplement de le dire. Je ne peux pas résister à la tentation. Et c'était c'est que du bonheur d'être ici. Et c'était un homme qui était assez passionné justement par les questions de l'au-delà. C'est quelqu'un, Adélaïde Clermont-Tonnerre ne me dira pas le contraire, qui était assez passionné d'ailleurs comme son ancêtre le régent par tout ce qui était mystérieux, par tout ce qui faisait en quelque sorte partie du personnage, ce personnage paradoxal, ce personnage qui parfois d'ailleurs appelait à voter François Mitterrand et qui en même temps considérait la princesse comme une compagne fidèle qui était là à ses côtés depuis des décennies. Madame avait de l'humour, madame avait cette prestance extraordinaire, madame avait ce regard très étonnant. Et elle avait un peu la dent dure, il faut dire ce qu'il y a quand elle, même. Elle pouvait pas être toujours très gentille, oui. Employons le mot comme il le faut, mais c'était un personnage assez exceptionnel. Elle vous recevait dans son salon meublé de souvenirs historiques extraordinaires. Je me souviens par exemple de ce portrait très étonnant de Louis-Philippe, et on prenait une tasse de thé, on prenait une tasse de café, et la princesse racontait ses souvenirs, ses voyages par exemple, ses séjours au Brésil, son amour de la vie qui était réel et réellement intense. Il y a eu toutes sortes de drames qui sont venus peu à peu émailler la vie de la famille de France. En 1960, le prince François meurt à 25 ans en Algérie. Il servait au 7e régiment de chasseurs alpins. En 65, on apprend donc qu'il n'est plus du tout question de restauration et que désormais le président de la République élu au suffrage universel par les Français va en quelque sorte pérenniser la République. En 1983, nouveau drame avec la mort assez mystérieuse en Centrafrique du petit dernier, Thibault. Et puis il y a eu bien sûr entre-temps, au tout début des années 70, l'abandon du manoir du Cœur Volant à Louveciennes. On a ce couple qui se sépare, alors on ne parle pas de divorce, mais il se sépare en 1980. Et ce qui est très étonnant, c'est que lorsqu'on feuillette les unes de point de vue, on se rend compte qu'ils sont très souvent à la une. Et d'ailleurs, on titrait, je l'ai là sous les yeux, donc je donne par exemple, la famille de France attend un héritier. Ça ne surprenait personne dans les années 60. Aujourd'hui, on ne sait même plus qui est la famille de France. Il y a eu un énorme changement, Adélaïde de Clermont-Tonnerre. C'est vrai que c'était absolument notre reine et notre reine-mère pendant ces années-là. Elle a été un personnage impressionnant. Alors, je voudrais juste revenir, puisqu'on en est aux anecdotes personnelles. On se référait à elle en tant que princesse, c'était la comtesse de Paris. Mais moi, pendant très longtemps, c'était tante Bébelle, puisque j'avais des relations avec elle. Et je voudrais revenir sur son tempérament. C'est vrai que toute petite fille à l'époque où on n'a pas, à l'âge où on n'a pas encore forcément la notion des relations sociales et des relations de pouvoir, moi je me souviens de l'avoir vue et d'avoir perçu immédiatement l'importance de cette tante, son charisme, ça, effectivement sa dent un peu dure parce qu'elle pouvait être assez raide avec les enfants. Je me souviens que mon petit frère qui n'avait que 3 ans et demi avait eu une taloche un peu sèche parce qu'il faisait mal le baise-main. Donc c'était un personnage. En même temps, elle avait, vous avez parlé de ces moments difficiles qu'elle a vécu, un appétit de vie, un humour, une pulsion de joie absolument formidable qui a fait qu'elle a pu traverser tout ça sans aucun regret et sans jamais... Ses mémoires s'appelaient « Tous mes bonheurs ». Ça montrait bien qu'en dépit des aléas de la vie, elle avait décidé de voir les choses de manière... joyeuse et positive. Tout mais M'ST, hein, tout est bonheur pour moi. Exactement, vous avez parfaitement raison. Et donc c'est vrai que Point de Vue a eu cette relation parfaitement privilégiée avec elle et qu'on a eu accès à elle dans son intimité, vraiment. On l'a eu pieds nus sur les plages de Rio, on l'a eu au mariage de tous ses enfants, à la naissance de ses enfants, de ses petits-enfants. Mais ce qu'il faut voir, c'est que même si la situation a changé par rapport aux années 60, c'est la durée de la fascination qu'elle exerce, parce que l'année dernière encore, pour les 10 ans de sa mort, lorsqu'on a fait un album qui était consacré à ses 100 petits-enfants et arrière-petits-enfants, on a eu un courrier mais absolument incroyable de remerciements. D'ailleurs, on a fait un autre facsimilé dans le livre de cet album assez précieux où on voit toutes ces chères têtes blondes qui incarnent la fertilité de la famille de France. Et puis, j'ai aussi apporté un numéro qui était assez exceptionnel. On n'en a plus qu'un, nous, dans nos archives. Il est totalement épuisé. C'est le numéro de la disparition de la comtesse de Paris avec son album Souvenir. Et ça était celui qui a été un de ceux qui a été le plus vendu, le plus demandé et qu'on a beaucoup de mal à trouver maintenant. Et c'est assez étrange de voir à quel point cette famille de France était en quelque sorte attendue en 1950. Hein. Sur un plan historique, ça c'est assez inouï et évidemment les choses ont beaucoup changé. Encore une fois, la population, l'opinion ont beaucoup évolué depuis. Aujourd'hui, les Français dans leur immense majorité ne s'intéressent plus vraiment aux dynasties ayant régné sur la France. À l'époque, c'était encore de l'actualité d'une certaine manière. C'était totalement de l'actualité et c'est vrai que le charisme du comte et de la comtesse de Paris y était pour beaucoup quand même. Il faisait partie de cette attente parce qu'ils étaient quand même très beaux. Ils avaient cette famille assez merveilleuse. Ils avaient quand même de la culture. Cette ribambelle d'enfants extraordinaire. Il y avait aussi d'ailleurs le prince Michel de Grèce, hein, le neveu du comte de Paris, qui était élevé avec ses cousins et cousines. Oui. Et avec lequel j'ai eu la chance de visiter le manoir du Cœur Volant d'ailleurs, qui n'est plus que l'ombre de lui-même. Aujourd'hui, on a presque du mal à imaginer que ça ait pu être un endroit à ce point couru dans les années 60. Oui, c'est vrai que maintenant, le luxe c'est tout de même un peu écaillé, mais quand on entend le prince Michel raconter ces années-là, c'était assez magique. Et puis il y a eu les années aussi de bonheur intense, qui étaient les années d'avant le retour en France, les années au Maroc à l'arrache, où toute cette famille a vécu de manière extrêmement libre, extrêmement brillante. Et c'est vrai qu'il y avait du coup une cohésion familiale qui s'est un peu dispersée avec la disparition de ces personnages principaux. Alors, nous venons de parler de deux têtes couronnées, même si la première était régnante et la seconde ne l'était pas. Il n'y a pas que des têtes couronnées dans Point de Vue. Et d'ailleurs, il y en a, on peut le dire, de moins en moins. Il y a une évolution. Vous êtes revenu à vos premières amours, en quelque sorte, pour le showbiz, d'une manière générale. Alors, c'est pas vraiment le showbiz. En fait, c'est l'idée de continuité. Point de Vue à 70 ans, nous avons gardé finalement ce lien très fort avec nos origines, où, évidemment, les têtes couronnées font partie de ces mondes exceptionnels dont nous rendons compte, de ce monde de rêves dont nous rendons compte, mais aussi les chefs d'État, les gens de pouvoir, les grands artistes. C'est quelque chose de très important pour nous parce que ça a toujours existé. On avait des couvertures absolument magiques sur Brigitte Bardot, Philippe pourra aussi vous en parler. On avait des couvertures sur Jackie Kennedy, absolument incroyables. On suivait le général de Gaulle, Valéry Giscard d'Estaing, depuis toujours. Donc finalement, on n'a pas changé d'orientation éditoriale. C'est bien de le dire et de le rappeler. Oui, on a renoué avec cette tradition parce que Point de vue, c'est le magazine des gens d'exception. Et ces gens d'exception se couronnent parfois eux-mêmes par leur talent. Oui, et par les circonstances politiques aussi, bien entendu. Néanmoins, j'ai envie de rester quelques instants sur les rois, sur les reines. Est-ce qu'on peut dire qu'à la rédaction de Point de vue, Philippe Séguy, vous établissez des relations privilégiées avec les différents palais, avec les services de communication des majestés régnantes ? Alors, comme malheureusement le journal n'est pas extensible, nous nous battons tous pour imposer plus ou moins nos couvertures. Moi, j'ai un rapport, je dirais, j'ose le dire avec beaucoup de prétention, un peu privilégié avec la Cour royale de Belgique. Et j'ai eu le plaisir justement de suivre l'intronisation du roi Philippe lorsqu'il succédait à son père. Vous êtes le biographe de Fabiola, il faut le dire. Je suis le biographe avec mon ami Antoine Michel Lan, justement, de la reine Blanche, de la reine Fabiola. Donc nous avons suivi ensemble d'ailleurs cette intronisation. C'est vrai que la Belgique est un pays frontalier avec la France et que la Belgique est une sorte de monarchie, je dirais, de substitution que nous pouvons nous avoir en France, un peu comme Monaco. Donc c'est toujours passionnant de voir la façon dont justement la cour de Belgique évolue, dont la monarchie belge évolue et parvient justement à fédérer un pays qui n'est pas toujours facile justement à réunir dans ses différences linguistiques ou culturelles. Et c'était passionnant de voir la manière justement dont les Belges réagissaient et vivaient cette intronisation, Bruxelles pavoisée, une Belgique qui dansait dans les rues, une Belgique heureuse. Le principe de la monarchie, c'est que chaque génération vient renouveler évidemment l'image de la famille royale. Est-ce qu'on peut dire néanmoins que tous ces jeunes héritiers qui peu à peu prennent la place de leurs parents, je pense évidemment au nouveau roi d'Espagne par exemple, est-ce qu'ils sont aussi populaires que l'étaient leurs parents ou leurs grands-parents, Adélaïde ? Pas encore, soyons honnêtes, pas encore. Felipe, donc le nouveau roi d'Espagne, a été l'héritier le mieux préparé d'Europe, son père l'a dit. Mais c'est vrai qu'en comparaison de l'extraordinaire aura que pouvait avoir Juan Carlos, que la comtesse de Paris appelait Juanito oui. En toute tendresse, c'est vrai qu'on en est encore loin. Parce que pendant très longtemps, on l'oublie peut-être à cause des événements plus récents, l'Espagne n'était pas monarchiste, l'Espagne était Juan Carliste. Il y avait une affection absolu pour ce roi qui était arrivé dans une position assez difficile au départ. C'était loin d'être gagné. Et puis, il a fait ces choses quand même historiques qui sont la transition démocratique, démographique aussi. Là, l'Espagne au passage. S'est largement bénéficié de son arrivée au pouvoir. Et puis, la Constitution. Et puis surtout, il a sauvé une deuxième fois la démocratie lors du fameux coup d'État de 1983 où finalement, on aurait pu retourner aux pires heures de la dictature et où il a sauvé son travail démocratique en ayant fait quelque chose d'assez formidable, justement, c'est en ayant gardé son fils toute la nuit à ses côtés pour que le futur roi, ce jeune prince, puisse comprendre l'importance de cet événement historique. Donc ça a été un roi absolument formidable, dont les dernières affaires finalement ont terni l'image, mais j'espère que avec la profondeur de champ que donne l'histoire, on lui rendra sa place dans la monarchie espagnole. Alors on pourrait aussi évidemment évoquer le cas de la cour des Pays-Bas, puisque là aussi une reine immensément célèbre, Béatrix, vient de laisser la place à son fils. Il va peut-être leur falloir un peu de temps pour s'imposer à tous ces nouveaux rois et reines. Alors je dirais qu'aux Pays-Bas c'est presque plus facile, d'abord parce qu'il y a une tradition quand même d'abdication plus ancienne, les transitions se sont relativement souvent faites comme cela, et puis qu'il y a l'atout quand même d'une reine absolument solaire qui elle aussi a fait un travail formidable, parce qu'au départ quand elle est arrivée, elle n'était loin d'être populaire, elle avait, pour parler un petit peu vulgairement, quelques casseroles, son père n'était pas très bien vu, il avait eu des relations un peu sulfureuses avec la dictature, donc cette femme est devenue l'atout phare de la monarchie. Et et elle aide énormément à la popularité. Et c'est intéressant dans les changements que vous observiez, c'est que les bergères, les fameuses bergères, à savoir toutes ces jeunes femmes qui, comme Kate, ne sont pas nées dans le Gotha. Qui ne sont pas nées dans le Gotha, ce qui était au départ tout de même peu habituel, deviennent les meilleurs atouts de la monarchie, tout comme en Espagne, Laetitia, qui vient d'avoir un sondage excessivement favorable, montrant qu'elle est devenue très populaire alors que c'était loin d'être gagné. Alors, vous nous l'avez dit tout à l'heure, Adélaïde de Clermont-Tonnerre, on ne peut pas résumer point de vue aux têtes couronnées. Point de vue, ce sont bien d'autres personnalités qui font l'actualité, mais c'est aussi la primauté de la photo et de la bonne photo. Il y a toutes sortes de rubriques et ceux qui aiment votre magazine savent évidemment que c'est aussi, au-delà de tout ça, un certain esprit et même une certaine esthétique. Nous y venons dans un instant. Sur Europe 1, un extrait de la bande originale du film Diamant sur canapé, composé par Henri Mancini. Nous revenons avec vous, Franck Ferrand, et vos invités aux 70 ans du magazine Point de vue. Alors Vincent Mellon n'est pas avec nous, mais il y a beaucoup de joyaux, de diadèmes, de pierres précieuses aussi dans Point de vue, bien entendu. Ça fait partie de vos gènes, d'une certaine manière, Adélaïde. Ça fait absolument partie de nos gènes. C'est vrai que Vincent Mellan est le spécialiste le plus réputé de la place de Paris, et même beaucoup plus loin que la place de Paris sur les bijoux, et que c'est intimement lié finalement à la monarchie, à l'histoire. On a tous en tête des scandales autour de joyaux, mais aussi des histoires d'amour autour de joyaux. Donc ça fait totalement partie de notre ADN. On leur accorde une très grande place. On a même un hors-série qui est tous les ans dédié à ce thème de la joaillerie. Et franchement, c'est quelque chose qui fait totalement partie du rêve, parce que dans le bijou qui se pose sur la peau de ces personnages extraordinaires, une partie de leur vie, de leur âme s'y concentre et se transmet de génération en génération. Quand j'étais enfant, j'adorais aller feuilleter Point de vue chez ma grand-mère, et qui était une abonnée absolument... Elle n'aurait jamais manqué un numéro. Et il y avait toute une esthétique, si je puis dire. On avait notamment les armes de la famille représentées en couverture, qui étaient toutes l'héraldique était sur la couverture elle-même. Philippe Séguy, hein, absolument. C'était... Et nos lecteurs fidèles découpaient justement, reproduisaient. Les armes, c'est une chose essentielle. Les blasons, disons, hein, les blasons, oui. Absolument, tout à fait. Mais vous savez, Point de vue, ça a été aussi les aventures du Chaminet. Alors voilà, c'est ça. C'était extrêmement populaire à l'époque. C'était un petit chaton qui faisait que des bêtises avec des pelotes de laine. Il y avait aussi des bandes dessinées. Les histoires insolites, les animaux avec Robert Kémy, dont je salue la mémoire. Il y avait aussi Le Petit Roi, qui était une petite bande dessinée que les gens s'arrachaient à l'époque. Il y avait aussi des recettes de gastronomie. Point de vue, on le disait, une chose assez complète, à condition justement que tout soit fondé sur l'excellence et que ça continue à être dans le glamour et que ça fasse rêver nos lectorats. Et si je puis me permettre, j'aimerais justement ici saluer notre lectorat qui est extrêmement fidèle avec nous, qui parfois nous engueule au téléphone ou par écrit en disant « Comment osez-vous écrire telle chose alors que c'est faux, etc. etc. » ou qui au contraire, quand même de temps en temps, nous félicite et nous envoie des courriels et des cartes postales auxquelles nous sommes tous extrêmement sensibles. Voilà. On connaît bien entendu le logo de Point de vue, hein, célébrissime, cette espèce de point rouge, un peu comme le drapeau du Japon. Et en dessous, on lisait « Image du monde ». C'est quoi cette histoire? Expliquez-nous ça. C'est un peu compliqué. On l'a un peu oublié, mais c'est une belle histoire parce que c'est l'histoire d'un mariage d'amour. En fait, « Image du monde » a été créée en novembre 1944. Il a été créé, c'est un magazine, par des résistants, des gens qui étaient épris de liberté, grisés par la France, libérés du joug allemand, et qui avaient décidé finalement temps de créer cette publication qui devait montrer les plus belles images du monde, c'est le cas de le dire, les images aussi du futur, avec une grande curiosité. Et en parallèle, quelques mois plus tard, en mars 45, par d'autres résistants qui avaient conçu cette idée sous les bombardements de Londres avant la fin de la guerre, un autre magazine naît, il s'appelle Point de vue. Il est fondé notamment par Marcel Blanchet-Blanchet, qui a aussi été le fondateur de Publicis et qui lui aussi voulait faire un life à la française. Et quelques temps après, ces deux magazines concurrents trouvent finalement qu'ils ont beaucoup à faire ensemble et se marient. Ça donne Point de vue Image du Monde. Donc pendant très très longtemps, ça a été Point de vue Image du Monde en couverture et sous le logo. Ça a été abandonné relativement récemment, mais finalement, Image du Monde est devenu le titre de nos hors-série, résumé sous le nom de IDM, Image du Monde, et qui nous permet de garder cette appétence pour les très belles images et pour le glamour. Et pour la photo d'actualité, pas seulement d'actualité princière ou mondaine, même si évidemment on a tendance à toujours aller voir les pages du carnet à la fin avec les photos des grandes soirées parisiennes. Bien entendu, ça fait partie de la tradition de Point de vue. Très honnêtement, oui, c'est un peu. Il y a des publications comme ça, certaines honteuses, certaines moins, qui se lisent par la fin. Point de vue se lit par la fin. On commence par le léger, par les mondanités, et on remonte gentiment le cœur du journal vers des sujets plus profonds. Et quand on voit les premières unes, donc tout ça était effectivement antérieur au couronnement de la reine Elisabeth, on se rend compte du caractère assez martial d'ailleurs de certaines. Il faut dire qu'on était à la fin de la guerre, par définition, puisque vous célébrez vos 70 ans. On a des sportifs et des sportives, des vedettes de cinéma et puis évidemment des évocations de la libération, de la signature de la paix le 8 mai 1945. Alors il y a des titres comme « Fièvre à San Francisco »,« La dernière arme secrète du Reich, le docteur Chart » ou « Le Brain Trust de Moscou ». Alors on a l'impression qu'on est assez loin de l'image qu'on se fait de Point de vue. C'est bien de le rappeler quand même. Oui, c'est très important et c'est d'autant plus étonnant qu'il y a eu aussi des reportages d'anthropologie à la suite de Claude Lévi-Strauss, des unes totalement improbables avec une jeune femme cosmonaute parlant de la conquête de l'espace. On a des choses étonnantes qui sont vraiment des documents historiques. Et on se rend compte que les présidents de la République, notamment de la 4e République, étaient aussi bien traités que les rois et les reines. Hein, il faut le dire ça quand même, Philippe Séguy. Une étiquette à l'époque est extrêmement respectée. On a par exemple les photos du président Coty. Voilà, c'est on ça. A l'Élysée côté cour, côté jardin, côté salon. Et les gens étaient très très friands de ce genre d'actualité. On pouvait voir les jolies robes. On parlait justement tout à l'heure, pardonnez-moi une toute petite incise. Il y a une très jolie dame blonde qui a fait une magnifique carrière comme une star internationale. Et cette très jolie dame blonde qui a eu la gentillesse de nous répondre aux questions qu'on lui posait justement dans le cadre de cet anniversaire a été l'objet de 14 couvertures à Point de vue. La jolie dame s'appelle Brigitte Bardot, voilà, que je salue d'ailleurs aujourd'hui. Mais c'est vrai, en fait, toutes ces soirées étaient souvent justement dans le magazine, ce qui permettait justement à des photographes de talent de s'exprimer aussi dans les portraits. Est-ce que l'ambiance est toujours la même? Ça fait un petit moment que vous êtes à Point de vue, je ne dirai pas combien de temps, Philippe Séguy. Mais donc, vous voyez des choses évoluer, vous avez vu entrer l'informatique. je n'écris plus à la plume d'oie. Absolument, nous ne portons plus de crinoline. Mais c'est vrai que Point de vue a toujours su épouser finalement les changements de société, l'évolution de ce pays. On ne traite plus, par exemple, des sujets qu'on a traités à un certain moment. J'ai vu l'évolution de l'aristocratie, j'ai vu l'évolution du rapport que les Français entretiennent par exemple avec l'histoire. C'est un sujet qui nous passionne tous les deux, cher Franck Ferrand, de voir la manière dont les gens se comportent justement par rapport à nous-mêmes, les demandes de notre lectorat, la manière dont on y répond. Tout ça est absolument passionnant. C'est la vie d'un journal, c'est quelque chose de profondément humain. Tout ça parle de chair et de sang finalement. Si Point de vue avait existé dans l'Antiquité, nous dit César, ça ne s'invente pas sur Twitter, les amours de Cléopâtre avec Jules, puis avec Marc-Antoine auraient été en une. Ça, c'est très probable, en effet. C'est très, très probable. Ça aurait été parfaitement en une dans le magazine. Ça aurait été l'un de nos grands feuilletons, c'est sûr. Comment imaginez-vous l'avenir de Point de vue, Adélaïde de Clermont-Tonnerre? Mais l'avenir de Point de vue, il faudrait qu'il soit fidèle à notre histoire parce que Point de vue a aussi été, par moments même, visionnaire. J'aimerais juste rapidement revenir sur cette affaire des photographes. On a eu les plus grands photographes, c'est-à-dire que Albert Plessis, dont j'ai parlé, ce rédacteur en chef, a été le découvreur, en tout cas photographique, de Jacques-Henri Lartigue. On a un document absolument incroyable où Jacques-Henri Lartigue prend en photo une séance d'acupuncture de Picasso dans son atelier. C'est énorme, quand même assez spécial. On a eu Roger Henrard, qui était l'opérateur aérien de la revue. Il était engagé exclusivement pour ça, qui a été le premier à faire la France vue du ciel, figurez-vous, qui était peut-être appelé à inspirer un autre photographe, Yann Arthus Bertrand, qui en a fait ensuite un succès mondial. Willy Ronis dit de cette revue qu'il a changé sa vie. Un prix de photographie organisé par Point de vue avait permis de découvrir Agnès Varda. Le premier prix était un scooter qu'elle avait offert généreusement à un garçon qui avait ses faveurs. Donc c'est un magazine qui a finalement toujours été de son temps. Et nous avons la chance maintenant d'avoir une nouvelle génération de gens glamour, de princes, de princesses, mais aussi d'artistes et de personnes engagées qui nous permettent de voir l'avenir avec beaucoup de sérénité, ce dont on parle d'ailleurs dans l'un de nos numéros anniversaires. Vous allez faire des numéros spéciaux, il faut dire. Voilà. Oui. Alors on en a un cette semaine avec le prince et la princesse de Monaco qui ont gentiment accepté de nous recevoir et de nous donner une interview. Ensuite, dans la lignée justement des grands personnages politiques, notamment de la 4e République, mais maintenant de la 5e, Carla Bruni nous consacre un très long entretien et on parle aussi de tout l'impact de la mode d'un point de vue, à savoir les plus grandes égéries, les plus grands créateurs. Valentino, qui a habillé toutes les plus belles princesses, nous en parle. Et des créateurs nous ont dessiné finalement la princesse du 21e siècle. Donc vous allez voir, c'est assez joli. Et le tout dernier numéro, ce sera un numéro des grands témoins, dont Brigitte Bardot, dont des têtes couronnées, qui nous parlent de leur vie d'un point de vue. Farah, par exemple, l'impératrice Farah. Alors justement, oui. Ça, ce sont les trois numéros anniversaires. Conseil à nos auditeurs de les garder par-devers eux, ça va devenir collector. Et puis, il y a ce très bel album, encore une fois, qui est un livre-objet, hein, absolument somptueux, signé Nathalie Loureau et Raphaël Morata, avec un avant-propos de l'ami Stéphane Bern, que je salue au passage, et puis une préface de Sa Majesté l'impératrice d'Iran, la Chabanou. La Chabanou a eu la très grande gentillesse de faire cette préface et elle a passé aussi un moment assez formidable avec nous où nous lui avons apporté les numéros phares de Point de vue qui lui étaient consacrés, évidemment son mariage, son couronnement, et elle était avec sa petite fille et elle a dit cette chose très jolie finalement, Point de vue est l'album photo de notre famille, et elle a passé ce moment avec Iman où elle disait mais regarde ton père au moment du couronnement, il n'a que 7 ans, il est si sage et pourtant le poids de la dynastie pèse sur ses épaules, et elles ont été toutes les deux extrêmement émues de revisiter leur vie à travers nos pages, et c'est la jolie chose de Point de vue, c'est que nous avons suivi ces personnages de leur naissance et souvent jusqu'à leur mort, de leurs amours jusqu'à leur tragédie, et ça fait partie du lyrisme et du souffle de Point de vue. Oui, en fait, ce sont leurs souvenirs, mais disons-le, par procuration, ce sont aussi un peu les nôtres, c'est le principe même d'un magazine comme le vôtre. Par cette relation de confiance que nous avons avec ces personnalités d'exception, nous emmenons nos lecteurs finalement de l'autre côté du rideau, dans les coulisses, dans les salons, dans l'intimité de ces personnages qui nous font confiance et qui font confiance à nos lecteurs. Point de vue, trésor d'archives, c'est donc édité par le Chêne, avec encore une fois toutes sortes de paperoles, de facsimilés, et dans ces jolies pochettes en papier cristal, des trésors et des cadeaux à découvrir. Et puis trois numéros spéciaux de Point de vue, dont celui de cette semaine. Absolument. Qui commence à célébrer ce 70e anniversaire. C'est d'une manière plus générale le 70e anniversaire d'un grand nombre de titres de la presse française, puisqu'on était au moment de la libération et qu'il fallait renouveler un peu les cadres de la presse. Merci beaucoup Philippe Séguy. Merci beaucoup Adélaïde de Clermont-Tonnerre. Je rappelle que vous êtes la directrice de la rédaction de Point de vue. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Laurent. Il nous l'a envoyé via la page Facebook de l'émission et il aimerait savoir d'où vient l'expression « monter sur ses grands chevaux ». Eh bien voilà encore une expression qui nous vient des champs de bataille, figurez-vous, quand les chevaux étaient encore utilisés pour faire la guerre, évidemment. Hein, c'est chevaux de bataille, encore une autre expression, je ne vais pas entrer là-dedans. On les appelait les destriers, les chevaux, du reste, ça venait de destre droit, hein, puisque le dictionnaire historique de la langue française, le dictionnaire élaboré sous la direction d'Alain Rey, nous explique que l'écuyer, tout en tenant de la main gauche son cheval, ou une bête de somme, devait mener de la main droite le destrier du chevalier. Et quand ce dernier ne le montait pas pour combattre, eh bien, il fallait le conduire, ce cheval. D'où l'expression destrier. Je ferme cette parenthèse-là. Donc, quand les chevaliers combattaient, plus leur destrier était grand, et plus ils étaient à même de dominer l'adversaire, bien entendu. Et donc, quand on partait en bataille, généralement, ce que faisait le chevalier, c'est qu'il quittait son petit cheval qui servait à se rendre sur les lieux mêmes de la bataille pour monter sur son grand cheval et aller à la guerre. Monter sur ses grands chevaux, c'était partir au combat, c'était se lancer dans une aventure souvent sanglante.